الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ لأن هي مذاكرة فقط بيننا إن شاء الله. وكل لا ديفيرونس entre le hadith hasan et le hadith sahih. La parole des sahabes. Là, ça c'est autre chose encore. Ça c'est le c'est autre chose, c'est un autre sujet. Jazakallah khair. Sallallahu alayhi wa sallam. Le hasan كذلك يعني حسن الحسن درجة من درجات الحديث. ولكن هناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. فرق واحد. لا ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي ثلاثة. لا ليس كذلك. الحديث الحسن الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر أن الحديث الحسن رواته أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح. هذا هو الفرق الوحيد. La seule différence entre le hadith al-Hassan et le hadith sahih, comme l'a dit le Hafiz ibn Hajar dans Nukhbat al-Fikr, c'est que le hadith al-Hassan, ses rapporteurs, leur degré de mémorisation est moindre que les rapporteurs et les narrateurs du hadith al-Sahih. C'est la seule différence, Inch'Allah. La, yani, ruwat al-Hadith al-Hassan, aqallu dabtan. في ضبطهم لما يعني تحملوا لما تحملوه من الحديث وحفظوه وطريقة يعني وكيف يؤدونه يعني طريقة ضبطهم أقل أو ضبطهم أقل من ضبط رواة الحديث الصحيح. Donc c'est le degré de mémorisation, comment ils le mémorisent et comment ils le transmettent. Ce degré de mémorisation est un peu en dessous du degré du hadith al-sahih, d'accord? Des narrateurs du hadith al-sahih. Mais sinon, le hadith al-hassan ou le hadith al-sahih ou le hadith al-hassan ou le hadith al-sahih, soit si on dit que le hadith, le terme hadith, إذا قلنا بأن الحديث يعني عبارة أو لفظة حديث أو لفظ الحديث لا يطلق إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فكلا الحديثين الحسن والصحيح يعني ما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith hasan et le hadith sahih, les deux remontent au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y a pas d'interruption dans la chaîne de transmission. ليس هناك انقطاع في السند. ولكن الفرق الوحيد أن الحديث الحسن رواته أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح كما قال وذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. في نخبة الفكر شرح نزهة النظر. Donc le Hafiz ibn Hajar a fait un livre dans la science du hadith qu'il a nommé Nuzhatun Nazar, puis il l'a expliqué, il l'a commenté, il a nommé l'explication Nukhbatul Fikar. Donc c'est un livre de, c'est-à-dire c'est par ce livre là que celui qui par exemple qui va avoir une connaissance basique, yani man arada yakun yani an takuna lahu diraya fi mustalah al-hadith falyabda bi Nukhbatul Fikar comme a dhakarahu Cheikh Abdullah Saad hafizahullah. Donc ce hadith qu'on vient de citer a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmizi et a été jugé comme étant Hassan par le Cheikh Abdelkader Al-Arnaout rahimahullah ta'ala. Et fi hadha al-hadith bayan al-takrim al-azim alladhi yanaluhu talib al-ilm. Donc dans ce hadith on voit il y a un exposé de la grande valeur, de la grande noblesse et la grande valeur qui est accordée à celui qui cherche les sciences religieuses. فَالْمَلَائِكَةُ تَضَعُ لَهُ أَجْنِحَتَهَا تَوَاضُعًا وَتَوْقِيرًا. Les anges déploient leurs ailes devant Talib al-Ilm par modestie et par respect de ce qu'il fait. وَالْمَخْلُوقَاتُ الْكَثِيرَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبِحَارِ وَالَّتِي لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ كُلُّهَا تَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَتَدْعُو لَهُ. Et toutes les créatures, et un grand nombre de créatures. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani lamma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard, man wa in kanat yani min yani in kanat tufidu al-'umum illa an al-maqsud huna al-kathir min man fi as-samawati wa al-ard, laysa kullu man fi as-samawati wa al-ard. Wadih? Donc je continue inchallah. Donc là, un grand nombre de créatures présentes dans les cieux, sur la terre et dans la mer,